de Saint-Preux à Miller-Édouard. Le château de Clarens devint une maison de campagne et une ferme, car M. et Mme de Volmar avaient quitté le château d'Étanges, magnifique, grand, vieux, triste, incommode, pour la maison de Clarens. Depuis que les maîtres de cette maison y ont fixé leur demeure, ils en ont mis à leur usage tout ce qui ne servait qu'à l'ornement. Ce n'est plus une maison faite pour être vue, mais pour être habitée. Ils ont coupé de trop grandes pièces pour avoir des logements mieux distribués. À des meubles anciens et riches, ils en ont substitué, de simples et de commodes. Tout y est agréable et riant. Tout y respire l'abondance et la propreté. Rien n'y sent la richesse et le luxe. Il n'y a pas une chambre où l'on ne se reconnaisse à la campagne et où l'on ne retrouve toutes les commodités de la ville. Les mêmes changements se font remarquer au dehors. La basse-cour a été agrandie aux dépens des remises. À la place d'un vieux billard délabré, l'on a fait un beau pressoir et une laiterie où loger des pans criards dont on s'est défait. Le potager était trop petit pour la cuisine. On en a fait du parterre un second. Partout, on a substitué l'utile à l'agréable, et l'agréable y a presque toujours gagné. Quant à moi, du moins, je trouve que le bruit de la basse-cour, le chant des coqs, le mugissement du bétail, l'attelage des chariots, les repas des champs, le retour des ouvriers et tout l'appareil de l'économie rustique donnent à cette maison un air plus champêtre, plus vivant, plus animé, plus gai, je ne sais quoi, qui sent la joie et le bien-être qu'elle n'avait pas dans sa morne dignité. Leurs terres ne sont pas affermées, mais cultivées par leurs soins. Et cette culture fait une grande partie de leurs occupations, de leurs biens et de leurs plaisirs. Ils ont pour maxime de tirer de la culture tout ce qu'elle peut donner. Non pour faire un plus grand gain, mais pour nourrir plus d'hommes.